Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour présenter l'émission. Il y a moi-même, François, Laurent, David et Dominique. Aujourd'hui, nous allons parler notamment du free-to-play. Qu'est-ce que le free-to-play ? C'est ce qu'on va regarder. On parlera aussi de quelques news et nous parlerons du jeu South Park. On aura bien sûr de formidables albums découvertes. Alors, le free-to-play, c'est quoi ? Le libre à jouer. On a le droit de jouer. Bon, non. Puisqu'on a deux types de jeux majoritairement, on a ceux que l'on doit acheter, tels qu'un Tomb Raider, etc. Donc on achète la boîte, on achète le jeu, après on ne paye plus rien à part du contenu éventuellement additionnel. DLC. Ensuite on a plus les MMORPG où encore une fois on va acheter la boîte initialement, on aura un abonnement. Mensuel. Voilà, donc généralement les gros MMO assez connus qui récoltent un nombre de joueurs plus ou moins important généralement seront payants avec abonnement. C'était le cas de World of Warcraft, c'était le cas de Edge of Conan, etc. De Elder Scrolls Online, tu disais. Attends, pourquoi c'était le cas de Warcraft ? Pour l'instant. Pour l'instant. Ils vont passer en free-to-play. Bon, c'est la rumeur depuis des années, mais bon. Donc voilà, et le free-to-play sont donc des jeux que l'on ne va pas acheter cette fois-ci, mais où il y aura du contenu que l'on pourra donc acheter, tels que des équipements, des quêtes. Ce sera plus un cash-shop en jeu qui propose des bonus divers ou des skins ou autre quoi. Alors vous, qu'est-ce qui vous tente le plus parmi ces trois formules Alors forcément, je pense que l'abonnement sera pas retenu. Ça dépend de la qualité du jeu, ça dépend du jeu. T'as des jeux en free-to-play où le contenu est impressionnant. Moi, je sais pas, Guild Wars 2, il faut acheter le jeu. Voilà, base. En plus, tu payes plus rien, à part peut-être une extension. Tu payes rien, t'as pas d'abonnement. Tu peux acheter des choses en jeu, mais c'est vraiment du cosmétique pour avoir un joli costume, mais ça va pas rendre ton personnage plus puissant. Et le contenu tombe, pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, tous les mois, t'as du contenu. C'est vrai qu'ils arrivent à faire quand même quelque chose d'assez phénoménal. Dans Guild Wars 2, sans abonnement, sans rien, les gens ne payent pas. Ils fournissent du contenu, mais vraiment, c'est presque tous les mois. Ouais, c'est ça. Et l'avantage de ce type de contenu, c'est que t'es pas obligé de jouer au minimum une heure. Soi-disant rentabiliser ton jeu. Tu peux jouer quand tu peux jouer 5 minutes par mois ou jamais, et puis revenir et ne pas jouer pendant 6 mois. Il y a des joueurs, je connais des joueurs qui l'ont fait, ils reviennent au bout de 6 mois, ils voient le nouveau contenu, ils testent, et voilà, et ils sont contents, ils ont le jeu installé, ils ont juste une mise à jour à faire de temps en temps, ils peuvent y jouer quand ils veulent, quand ils ont le temps, t'es libre et tu es sûr d'avoir du nouveau contenu. Après, dans le même genre, t'as des jeux qui sont gratuits aussi, tu n'as rien à acheter, et où le jeu est moins, et le contenu est moins professionnel, moins régulier, où tu peux quand même passer un petit peu de temps et t'amuser sans dépenser d'argent. Mais Guild Wars, le 1, était exactement sur le même principe. Même principe. Mmh. Et il existe toujours, d'ailleurs. C'est vrai, il y a toujours des joueurs qui jouent à Guild Wars 1 et à Guild Wars 2. T'as des joueurs de Guild Wars 2 qui n'aiment pas Guild Wars 2, qui sont retournés sur Guild Wars 1. Quels seraient les jeux les plus connus en free-to-play ? Je pense à Edge of Conan, notamment. Alors, Edge of Conan, lui, c'était un jeu payant à la base. Dans le style MMO, payant. Du même style que WoW ou encore Ezo. Ce qui veut dire que moi, j'y ai joué. Hein. Je l'ai un peu exploré de fond en comble. L'abonnement par mois, c'était assez cher. Je suis resté abonné pendant 6 mois sans limite y jouer parce que j'avais la flemme de cliquer sur ce bouton pour enlever ma carte et de retrouver mon mot de passe associé au compte. Voilà. Le fait est que quand je suis revenu jouer, il était passé en free-to-play. Et là, t'as bien les boules parce que tu te dis, putain, j'ai payé pendant un bout de temps et en fait, le contenu aurait pu être free depuis le départ. Parmi les jeux connus qui étaient payés à la base, qui sont passés en free-to-play, je pense que le plus connu, c'était Star Wars The Old Republic, qui est passé très rapidement, peut-être au bout de 6 mois en free-to-play. Ça avait fait un flop énorme. Voilà, et beaucoup de gens l'ont acheté la boîte, ont payé au moins un mois, ont utilisé leur mois d'abonnement, puisque c'est le principe en général sur les MMO. On achète la boîte, dans le prix du jeu est inclus 30 jours d'abonnement, donc un mois d'abonnement. Beaucoup de jeux ont joué, de gens ont joué au jeu, et puis au bout d'un mois, voire avant, ils avaient déjà fait le tour complet du jeu. Et ils s'ennuyaient, donc ils ont arrêté, ils n'ont pas renouvelé l'abonnement, et au bout de 6 mois, le jeu est passé en free-to-play. Donc tout le monde peut, même sans posséder, sans avoir acheté le jeu de base, la boîte, jouer à Star Wars The Old Republic, qui reste un jeu sympa, parce que c'est gratuit. Mais est-ce qu'on a du contenu en moins ? Comment ça marche, le free-to-play, dans ce cas-là ? Est-ce qu'il est bridé et il est toujours on doit possible payer de jouer au jeu avec un abonnement. D'accord, donc il y a toujours le système d'abonnement. Donc les joueurs qui payent un abonnement par rapport aux jeux qui ne payent pas de bon ont peut-être un petit bonus d'XP ou des bonus ou accès à certaines zones auxquelles les joueurs n'ont pas. En général, c'est tous des petits trucs à la con, genre des emplacements de banque ou des inventaires réduits, tout ça. Ça dépend. Un jeu comme Rift, par exemple, qui est passé en free-to-play il y a quelques mois, alors qu'il y a un jeu qui avait beaucoup de succès, hein, des concurrents de WoW. Les joueurs qui continuent à payer l'abonnement ont comme avantage d'avoir certaines fonctionnalités, comme par exemple le créer leur housing, le fait de créer leur maison, etc., ou américainement, ou pouvoir faire les donjons, certains donjons, par exemple, en boucle, enfin, sans limite, sur Ion, par exemple, c'est notable. Ion, certains donjons, tu peux les faire une fois par jour, ou une fois toutes les semaines, en gros, il y a ce qu'on appelle un timer sur les donjons. Tu fais un donjon, une fois que tu es sorti, tu dois attendre genre 3 jours pour faire le donjon, je dis j'ai un chiffre au hasard. Tandis que si tu payes ton abonnement, tu n'as qu'à attendre un jour, ou tu peux peut-être tout de suite le refaire. Donc ça dépend de, voilà, si on cherche un jeu où on veut simplement s'amuser quelques minutes, enfin une heure par jour, le free-to-play, la formule du free-to-play suffit largement. Après, il y en a beaucoup qui ont fait ce format-là. Absolument, il y a tout ce qui est. Tu souviens de Ragnarok Online, notamment, le 1? Mais Ragnarok, c'est pareil, c'est une formule qui était à la base payante et qui est basée free. Ouais. Alors, on y a joué à Ragnarok, je pense. Hein. On a fait beaucoup d'ours. En général, quand un jeu sort, qu'il est payant avec abonnement, etc., quand on commence à annoncer des rumeurs de passage en free-to-play, ça veut dire que c'est soi-disant que le jeu ne marche pas. Alors des fois, ça peut être des effets de communication. C'est mauvais signe. En général, c'est les joueurs qui sont en général et qui payent un abonnement qui sont dans le jeu. Si le jeu ne marche pas, il y a moins de monde. Et quand il y a moins de monde, les joueurs qui sont dedans, ils commencent un peu à s'ennuyer. Voilà. Et le fait de mettre du free-to-play, ça apporte des joueurs, des nouveaux joueurs, tout ça qui... peuvent, entre parenthèses, les nouveaux divertissent les anciens. Il y a pas mal de jeux pour lesquels le passage en free-to-play a redonné un nouveau souffle, c'était le but, ou montrer un passage, ou au contraire, a coulé le jeu, puisque ça a apporté toute une nouvelle vague de joueurs, ou des anciens joueurs qui sont revenus jouer, et qui ont proposé, ok, vous jouez au jeu gratuitement, vous avez tout, et si vous voulez, vous pouvez dépenser quelques euros pour acheter un joli costume pour votre personnage, ou un costume de Noël quand c'est Noël, ou voilà, des petites choses comme ça. Et des fois, les joueurs se disent, bon, bah, allez, 5 ou 10 euros, qu'est-ce que c'est, voilà, pour, au moins pour remercier les développeurs. Et ça redonne un petit souffle, et ça rapporte une nouvelle vague de joueurs au jeu, ce qui fait que les anciens joueurs qui payent l'abonnement, voilà, ont des partenaires pour jouer, des adversaires sur qui taper, par exemple. La grande question, c'est si toi, tu payes l'abonnement, une fois que ça place free-to-play, est-ce que t'es pas tenté, justement, de plus rien payer? Tu peux. En tant qu'ancien joueur, gardes toujours quelques privilèges. Ouais, ce qui se fait beaucoup, c'est les comptes vétérans. Voilà, les comptes vétérans, tu as plus de personnages, tu as peut-être accès à certains équipements de jeu, etc. Donc tu as des petits bonus en tant qu'ancien joueur pour te remercier. Et de temps en temps, tu peux te dire, bah, pendant un mois, je vais repayer, par exemple, j'ai un mois de vacances, je vais rester plus longtemps sur mon PC, je vais en profiter pour jouer un peu plus, je vais juste payer pendant les 1 ou 2 mois de vacances un petit abonnement en plus. Tu retrouves plein de privilèges, voilà, donc les joueurs peuvent s'y retrouver comme ça. Alors moi, ce que je vois, c'est que là, je parle uniquement du MMORPG. Mmh. C'est vrai que le MMORPG, tu as 2 phases de jeu. Enfin, pour moi, c'est le cas. Tu as la phase, je progresse, je gagne des niveaux. Et tu as la phase, j'ai atteint le niveau maximum. Et cette fois-ci, je commence à me focaliser, à essayer de faire soit les plus grosses instances, soit le PVP de façon massive. Et je pense que si tu veux justement passer sur cette deuxième phase où tu as dépassé le niveau maximum... Je pense que tu n'as plus trop le choix de payer le jeu dans ce cas-là. Ça dépend du nombre de... En gros, ça dépend du nombre d'heures que tu veux passer sur ton jeu par jour. C'est voilà. Ça, l'investissement que tu en as. Mais je pense que si tu arrives level maximum en version free-to-play, tu peux couper ton jeu. Je ne pense pas que tu auras le contenu nécessaire pour justement faire ces accomplissements-là. Si tu veux vraiment... Non, si tu veux vraiment t'investir sur le jeu et le faire ton jeu exclusif, oui, au moment tu finis par payer. Puis vient un autre problème, c'est qu'on dit, bon, 5, 10 ou 15 euros par mois. C'est énorme, tu dis. C'est vraiment relatif. Ouais, c'est sûr, quand il y a beaucoup de jeux gratuits, 10 euros, c'est énorme par rapport à un jeu gratuit. On a parfois même des jeux gratuits qui sont de meilleure qualité ou plus jolis que certains jeux payants. Mais bon, mais tu dis 15 euros par mois, 10 euros par mois, qu'est-ce que c'est pour un joueur, pour un fumeur par exemple, un McDo. Ou quelqu'un qui a une voiture et qui doit garder sa voiture tous les jours auprès de son boulot. C'est 10 euros par mois, voilà, 10 euros par mois, tu vas au McDo avec tes potes, ça peut être, tu vas au cinéma, tu as une famille que tu emmènes au cinéma, bon, si c'est pas 10 euros la place en film en 3D, c'est... sans compter le popcorn et le restaurant avant après, tu te dis, bah, qu'est-ce que c'est 10 euros par mois, voilà. Tu vas aller voir un film qui va te coûter 10 euros la place, qui va durer 2 heures, un MMO ou un jeu ou un autre type de jeu, tu vas y passer beaucoup plus de heures par mois et ça va peut-être te rapporter plus de plaisir selon la qualité du film. C'est le problème de l'abonnement qui fait peur. Pareil, tu ferais pareil pour le cinéma, ça ferait peur aux gens. C'est le fait de dire que tu vas payer 15 euros ou 10 euros, mais tu n'es pas sûr que tu vas continuer à jouer dans 2 mois et 3 mois. T'as l'impression d'avoir un prêt qui te suit derrière. Ah oui, c'est ça. Et le cinéma free to watch. D'accord, peut-être, avec des publicités, pourquoi pas. Si tu payes, t'as pas les pubs, etc. À penser, hein. Exactement. Bah, c'est comme je vais mettre cette idée sur Kickstarter. Tu peux regarder la télévision sur Internet, gratuitement. Tu sais. Donc là, on parle des free-to-play avec une version d'abonnement. Il y a plein de formules différentes, voilà. Mais il y a également les free-to-play où tu peux acheter des objets. Et là, on arrive quasiment à du pay-to-win. Voilà. Donc ça veut dire qu'on achète des objets super puissants. Si on prend deux joueurs sur le même jeu. Bon, un jeu comme Guild Wars 2, par exemple, la monnaie en jeu permet d'acheter principalement des costumes, des choses qui te permettent de gagner plus d'expérience, etc. D'expérience, d'argent. Deux joueurs identiques qui ont acheté le jeu, voilà, celui qui va gagner, si les deux joueurs s'affrontent, c'est celui qui jouera le mieux, c'est pas celui qui aura dépensé le plus d'argent. Il y en a un qui va peut-être mourir et qui sera peut-être plus joli. Son cadavre sera plus joli à terre. Il mourira avec classe. Son cadavre sera plus joli par terre, c'est tout. Ça va pas le faire jouer mieux. Il y a des jeux où, quand tu payes, tu as un meilleur équipement. Il n'y a pas photo, tu progresses plus vite, ton personnage est plus fort, ou tu sens la différence. Tu vois tout de suite entre deux joueurs qui s'affrontent, celui qui a payé, celui qui n'a pas payé. Voilà. Je pense notamment à Battlefield des Roses. On en revient souvent à celui-là. Voilà. Ça n'empêche pas que j'ai toujours du plaisir à y jouer, voilà. Même si j'affronte des joueurs qui ont payé de l'équipement, et t'as beau tirer dessus autant que tu veux, à moins que tu roules dessus avec un char 50 fois, tu vas pas les buter. Quoi. Et c'est vrai que c'est tentant de justement de payer. Parce que tu te dis, je vais arrêter de me faire laminer la gueule à chaque fois que j'apparais. Si tu n'y joues que 5-10 minutes, t'as pas besoin de payer. Ou un jeu comme Hearthstone, où tu peux, en faisant quelques missions, débloquer de temps en temps un petit paquet de cartes, ou dépenser du vrai argent, des vrais dollars, pour jouer des arènes ou acheter des paquets. Ben moi, ce que j'ai peur, et j'ai eu le cas sur un autre jeu, on en parlera tout à l'heure, mais Hearthstone, j'ai peur de dépenser des sous et après de me retrouver à faire mais qu'est-ce que je fais maintenant. D'un côté, t'as un objectif quand tu dépenses pas de sous, il te reste toujours l'objectif d'avoir les objets sans payer, de farmer un peu tes sous ou autre. Voilà, ça te donne une envie de jouer. Enfin, moi, j'ai besoin de la carotte pour jouer à un jeu de temps en temps. Moi, mon principal objet, le but de m'amuser dans un jeu, c'est de m'amuser. C'est le but du jeu, c'est de jouer. Ouais, bon, mais bon, si quand il y a un objectif. Tout dépend vraiment des jeux, voilà. Et l'autre jeu dont je pensais, c'est Albatros 18, donc Pangaea. Donc, jeu de golf qui est également en free-to-play. Je pense qu'on y a plus ou moins tous joué également. J'ai même dépensé de l'argent dessus. Peut-être 5 euros pour avoir peut-être des golfs plus jolis ou une tenue plus jolie pour mon perso. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que 5 euros? J'avais pris les battes de baseball. Voilà. Sur un autre serveur qui a fermé, donc... On a dû bouger sur l'américain, je crois. Je pense à un jeu, moi, par exemple, comme Planet Side 2, qui est entièrement gratuit, qui est un vrai jeu où tu peux avoir énormément de plaisir sans dépenser un. Hein. Tu peux essayer de dépenser de l'argent pour avoir des meilleures armes, etc. J'ai peut-être profité d'un week-end où tous les prix étaient à 50% pour dépenser 10 euros. Ça m'a permis de débloquer du contenu qui a beaucoup augmenté mon plaisir de jeu sans avoir besoin de dépenser plus tard. Donc c'est vraiment à chacun de mesurer ce qu'il cherche et de dire, voilà, est-ce que je paye 10 euros par mois? Est-ce que je paye 10 euros de temps en temps? Ne serait-ce que pour des... Je connais beaucoup de joueurs sur Guild Wars 2 qui, de temps en temps, dépensent de l'argent pour acheter de la monnaie en jeu, mais comme ils ne payent pas d'abonnement, ils se disent, bah, au moins, pour encourager les développeurs à faire mieux, et puis à les remercier, voilà, une espèce de participation. Ils s'obligent presque à donner de l'argent aux développeurs. Les développeurs sont là, non, on ne veut pas de votre argent. Si, on vous en donne quand même pour faire mieux, pour les encourager. Même si on ne leur donnait pas d'argent, ils continueront à travailler. Mais voilà, c'est chacun a sa philosophie, selon lui. Oui, s'ils continuent, c'est que ça marche d'un côté. Exactement. C'est que forcément, ils ont vendu des millions de boîtes à 5, 40, 50, 60 euros la boîte. Ça fait quand même 50, 60 millions de dollars qui sont rentrés. Ça permet d'avancer un petit peu, quoi. Il faut les payer, les développeurs, quand même, qui mettent du contenu derrière. Parce que, voilà. En plus, ce Guild Wars 2, c'est quand même réputé pour mettre un truc assez... Chaque nouveauté, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Je me suis pas connecté, mais j'ai vu l'attaque de l'Arche du Lion, la grosse capitale du Guild Wars 2, mais je me dis, mais pour mettre ça en place, ils doivent mais bosser comme des tarés, quoi. Je te confirme, c'est du lourd. C'est quoi, c'est des events qu'ils font? Events mondiaux. Une ville complète, la ville principale où tu te retrouves, voilà. Imagine qu'elle soit complètement rasée, et bombardée, en flammes. Dedans, il y a la bagarre et tous les personnages. Donc, il y a des dizaines de minutes de dialogue et de doublage pour des personnages à qui tu vas parler qu'une seule fois. T'as des visuels, des bâtiments qu'il faut complètement refaire, détruire, etc. C'est beaucoup de travail, de développement, etc. Ça va peut-être servir qu'une fois. Et dans 15 jours, ça aura disparu, il y aura autre chose à la place. C'est pas mal d'argent lancé par la fenêtre. Ouh là là, je t'arrête tout de suite, Dom. Ah non, mon Dieu. Je vois que ça frappe à la porte. Oh là là. C'est encore les intermittents du spectacle de la radio Bellafonte qui essaient de nous... Non ! On ne bougera pas. Ah, repas de vos cookies. vous êtes toujours sur la Radio Belafonte et on continue cette émission. Nous étions en train de parler de free-to-play. La crainte que moi j'ai par... Est-ce que la Radio Belafonte est en free-to-play? Oui, je crois. En free-to-hear? Free-to-listen. Par contre, on est obligé d'écouter ces intermittents du spectacle, voilà, de temps en temps, malheureusement. Heureusement qu'on a des bons albums découvertes pour compenser. C'est vrai. J'ai un album découverte, mais il est lié à une news. Donc voilà, on en parlera juste après les free-to-play. On expliquait donc les différents types de free-to-play par abonnement sur les MMORPG, etc. Et j'ai remarqué qu'il y en avait un autre. Donc on a les pay-to-win. Et j'ai remarqué qu'il y avait des pay-to-play. Dans le sens, dans les jeux de gestion. Je pense par exemple à un qu'on a testé, Dungeon Keeper, c'est ça, qu'on a testé récemment. Pour accélérer le temps de la construction, on devait dépenser de l'argent plus ou moins réel. Tu peux jouer sans dépenser un argent, ça va te prendre plus de temps. Ben voilà, c'est ce que je me disais. Dans ce cas-là, tu vas attendre 3 heures alors que le mec qui paye, lui, va pouvoir jouer tout de suite. Voilà. Donc dans un sens, tu payes pour pouvoir jouer direct, quoi. Et dans les jeux de gestion, je trouve ça abusif. Encore, dans les jeux de gestion en solo, ça va encore, tu prends pas de retard sur le reste. Mais quand c'est, par exemple, du genre au game, t'es laminé. Les mecs qui construisent, ils ont des mines niveau 100, tu peux rien faire. C'est similaire au pay to win, hein, mais ton objectif, il est moins amusant, on va dire. Dès que t'es niveau max, t'as plus grand chose à faire à part bourriner les faibles. Voilà, jouer avec d'autres personnes en communauté, en guild et compagnie, voilà. Tout dépend de ce que chacun cherche. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Ah, on va changer de sujet. La semaine dernière, Blizzard avait surpris la plupart de ses joueurs de World of Warcraft, puisque dans la boutique, il y avait une option qui permettait de payer $60 pour accéder au niveau 90. Génial. Alors, c'est vraiment une surprise. Alors, le problème, c'est que c'était suite à une mise à jour et cela ne devait pas apparaître dans le contenu. Ah, dommage. Ils ont oublié de planter. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait exprès d'oublier? Non, ils n'ont pas fait exprès. Pour planter une petite graine, voilà, histoire que ça tester. Pousse. Mmh. Alors, je sais qu'il y a quelques mois, ils avaient proposé un sondage en disant combien seriez-vous prêt à payer pour justement avoir un level 60. Alors, 90. Voilà, 90, pardon. Ouh là là, je suis un peu en retard. Ah oui, moi aussi j'ai arrêté World of Warcraft quand le niveau maximum devait être dans les 60. Est-ce que tu as continué à jouer une fois que tu avais ton niveau maxi? Je n'ai jamais atteint le niveau maxi. Moi, le problème dans ce genre de MMORPG, une fois que j'ai atteint le niveau maximum, j'ai plus envie de jouer. Moi, j'ai même pas envie d'atteindre le niveau maxi, ça m'intéresse pas. Donc, si t'arrêtes un niveau en dessous, voilà, surtout pas. Donc, quel est l'intérêt d'aller au niveau 90? En tout cas, pour moi. Voilà, encore une fois, c'est une question de ce qu'on cherche dans un jeu, quoi. $60 donc pour passer au niveau maximum. C'est plus cher que le prix du jeu. L'abonnement est à combien? Enfin, 12€. 12, un truc du genre. 12€, ça fait donc l'équivalent de 5 mois d'abonnement. Un joueur qui serait prêt à payer l'équivalent de 5 mois d'abonnement pour avoir son personnage tout de suite au niveau maximum. Alors que sur World of Warcraft, maintenant, j'imagine qu'on doit pouvoir, en connaissant les bonnes personnes, passer niveau maximum en 2-3 jours, peut-être. Non, je pense pas. C'est... Moins. Bon, mettons une semaine. Époque. Mettons une semaine, moins d'un mois. Moins d'un le mois. Le farmer chinois. Ouais. Voilà. Mais après, je comprends aussi que ce soit cher, ça encourage les joueurs à pas payer. Tu peux le faire, c'est une option, d'accord. Mais bon, faut pas non plus que les joueurs doivent pas perdre l'envie de jouer et de monter leur Les partie. Joueurs qui jouent beaucoup, de toute façon, qui sont dans des grosses communautés, vont de toute façon passer au niveau maximum en quelques jours. Donc, c'est pas ce qui les intéresse. Ça s'intéresse vraiment aux joueurs qui, occasionnels, voilà. Alors, le petit souci qu'ils ont eu à ce niveau-là, c'est qu'il se trouve que le tarif pour l'extension Warlord of the Draenor sont à $39 et $49. Et à l'intérieur est inclus un boost de personnage. Donc, le prix de booster son personnage 90 est plus cher que l'extension avec le boost au niveau 90. C'est comme quand tu achètes une imprimante. La carte. La carte, voilà. Tu as une cartouche de couleur et une cartouche noir et blanc offerte. Plus tard, quand tu as une cartouche épuisée, tu vas dans le magasin, tu t'aperçois que le prix des cartouches seules est plus cher que l'imprimante. C'est ça? Oui, tout à fait. Certains se demandent qu'est-ce qui a bien pu pousser Blizzard à mettre ce tarif de $60. Je pense que c'est justement par rapport au fait qu'ils ont fait des tests, un questionnaire de marché auparavant à ce niveau-là. Or, eux se justifient en disant que... Il y a des personnages qui devraient monter au niveau 90, qui devraient acheter les deux extensions précédentes, etc. Pour avoir accès à toutes les zones, voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils justifient ce prix de $60. Dollars. Puisqu'il n'y a pas encore... Enfin, vu que c'est une option qui a été validée par erreur sur leur site. Il n'y a pas encore de prix, mais je pense que ça avoisinera le même prix au niveau européen. Alors, on va passer à notre petit album découvert. Dernièrement, on a eu une petite plainte qui a été déposée au tribunal de notre cher compatriote Philippe Risoli. Oh non! J'allais dire ce célèbre chanteur, mais avant tout, apparemment, il est un célèbre présentateur du Juste Prix de TF1. Ah oui, évidemment. La gaffe, le premier. Alors, il se trouve que, comme ce monsieur n'avait pas créé de Facebook ou de Twitter, quelqu'un l'a fait à sa place et en a profité pour laisser des commentaires bien sentis sur d'autres sites. Philippe porte plainte pour une usurpation d'identité numérique, par exemple sur le site de Christine Boutin. Elle est forte, ça. Philippe Risoli, je cite, « Vous êtes grosse, madame. Cessez de vous goinfrer, vous faites honte à la France. » Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Ça aurait très bien pu être de lui. Hein. C'est qui du... ne dit que c'est pas lui qui fait semblant de faire croire que quelqu'un a pris son identité pour passer des messages. Ça serait subtil. Ah, parce que qui oserait prendre son identité? Il devrait même être content, même les remercier. Alors, voilà. C'est sûr, il relance sa carrière. Hein. Même Christine Boutin devrait être contente qu'on parle d'elle. Or, sauf qu'à l'annonce du dépôt de cette plainte, la personne se cachant derrière le compte Facebook s'est manifestée. Et il a dit donc, je cite, « Je reconnais avoir utilisé votre nom ainsi que votre image à des fins humoristiques. Je vous dévoile mon nom afin de faciliter la direction de votre plainte. Je n'ai pas fermé la dite page que je considère comme une fresque participative ayant pour un thème central une projection d'un vous fantasmé. » Oh, ça va loin. « Vu au travers d'un prisme virtuel. » Une espèce d'expression artistique. Un peu comme si une milliardaire voulait devenir chanteuse d'opéra. Non. C'est un bon exemple, pour ça. C'est de l'art. Alors, cette sortie n'a cependant guère convaincu le présentateur de TF1, en tout cas l'ex-présentateur. Lui campe sur ses positions et apparemment il continue à porter sa plainte. Après, c'est normal aussi. Enfin, ça reste toujours des opérations d'identité, c'est quand même en son nom. Alors, son avocat, je cite, il pense que c'est préjudiciable à son image, éventuellement à la poursuite de sa carrière. Ah oui, il est drôle, son avocat est drôle également. Son avocat est très drôle. Il a beaucoup de Il continue à lancer des micros chez lui, dans sa cave. Il s'entraîne, voilà. C'est lui qui faisait tourner le micro. Oh, c'est lui qui jonglait avec son micro. Il lançait le micro. Il est l'inventeur du lanceur de micro, je pense. Alors, je pense que tout le monde connaît ce titre, mais on pourrait peut-être se l'écouter. Ou pas. On peut avoir la version par Florence Foster Jenkins de L'écoutasse les bananas. À voir, à voir. Voilà. Notre chanteuse d'opéra qui a payé son opéra elle-même. Donc on va écouter un peu de Philippe Risoli. Il n'y a pas du grand corbanais qui chante Philippe. À voir. Ah. Du grand jazz et tout. C'est Jimmy Chen? Non, on comprend ce qu'il dit. On comprend ce qu'il dit, c'est pas grave. <parfait. rire> La chanson, du coup, on comprend les paroles. Bananas. Je la connais par cœur. Mais ce serait pas toi qui as posté sur le compte. Ah, je suis découvert. Effectivement. Donc la projection d'un vous fantasmé, c'était toi. Non, moi, je me fais passer pour Christine Boutin, en fait. Vous faites honte à la France. Effectivement. Tu t'es mis en présentateur. Il a acheté le dictionnaire de la rime 1992, édition 92. Des rimes assez pauvres encore. Des patatas, pas des patates douces. Patatos. Oui. Et il n'a pas trouvé avec douce, c'est pas faux. Il fallait revenir avant dans le dictionnaire, il y avait la flemme. On va dire découper en douce le houmous, mais bon, c'est pas trop de sens, mais ça rime, quoi. Solo. Jean-Pierre Morin derrière. Non, Morin. Christian Morin. Clarinette. Il y a des jours, tu sembles épanoui. Il y a plusieurs qui plaisent. Et cet autre animateur de France 2, dont je suis particulièrement fan, qui chante. Non. Ah. Sébastien ? Non, il présente des émissions. C'est pas fait entrer la cuisine. Christophe Lambert. On pourra lui consacrer un album découverte, tu sais quoi. Putain. J'aimerais bien Julien Lambert qui chante. Il chante. Il a chanté une chanson, il a même écrit des chansons. Composé une chanson pour Herbert Léonard. Ouais, des artistes multifacettes comme ça. Ouais. C'est quoi la suite ? Les bananas. Et on aura Florence Broccolini qui nous fait de l'opéra. Elle chante super bien, Francis Broccolini. Mais oui. Mais oui. Laurence Broccolini. Elle chante super bien. Mais avec une voix de mec, Francis. Voilà. J'ai bien peur que ça ait marché cette merde. Ouais, oui, mais faut bien. Ça fait un peu du Carlos. Déjà, tous les spectateurs de TF1, ça fait déjà quelques millions qui achètent. Ceux qui aiment bien les bananes aussi, forcément. Il aurait pu... Par contre, s'il avait mis sur Kickstarter, qui n'existait pas à l'époque, on sait pas. Moins 3000, vous devez 3000 euros. Ouais, non. Quelle belle musique. On continue, donc nous parlions de free to play, et en parlant de free. Il y a quelques... Alors, c'est pas forcément des rumeurs, mais je pense plutôt à des idées d'un certain Windows qui pourrait être gratuit à l'avenir. C'est pas gratuit, moi. Non. Vu le prix, non, ce n'est pas encore gratuit. Donc, suite à sa préparation de Windows 8.1 et des nouvelles fonctionnalités, la firme teste également, par rapport à Bing, des suggestions par rapport à un Windows gratuit. En tout cas, ils sembleraient intéressés. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour eux de partir ? Le problème, c'est que Windows, c'est les licences, c'est un des plus gros revenus de Microsoft. Mm-hmm. C'est peut-être pas en gratuite. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même des revenus, voilà, par exemple, par rapport à Bing, leur moteur de recherche, qui amènerait de la publicité, j'imagine. Google, par exemple, est gratuit. C'est totalement gratuit, mais ils rendent quand même beaucoup d'argent. Donc... Mais d'autres fonctionnalités, ils parlent de Outlook.com, qui pourrait être un service payant, mm-hmm. OneDrive, qui doit être une sorte de Google Drive, si je me trompe. Après, il y a des services Xbox, hein, les Xbox Music, Vidéo, mm-hmm. et comme tu disais, les Bing Search. Est-ce que ça pourrait marcher ? Est-ce qu'ils seraient prêts à passer le pas vers un Windows gratuit ? Ils n'ont qu'à mettre l'idée sur Kickstarter. Kickstarter et Windows gratuit, j'ai peur que ça marche. Non, tu ne peux pas faire un Kickstarter pour quelque chose de gratuit. Alors, c'est une bonne question qui est soulevée, parce que est-ce que ce n'est pas déjà le cas pour tous les tablettes ? Lorsqu'on achète une tablette Windows... Tu achètes toujours la licence. Tu peux, par exemple, acheter un ordinateur qui a déjà Windows 7 dessus. Tu peux très bien demander à ce qu'ils retirent, qu'ils mettent un ordinateur vide. Mm-hmm. Si tu as déjà une licence, tu peux très bien dire... Tu veux mettre autre chose, hein, Linux, oui, par exemple. Voilà. Mais tu peux acheter un ordinateur où il n'y a pas d'OS dessus et l'installer par la suite si tu as une licence. Mais oui, parce que dans le prix des tablettes, il y a toujours écrit le prix du système. Bon, sur Apple, c'est le prix du système qui est un peu inclus dans tout. Tous les autres systèmes, tu payes la tablette. Bon, il se trouve qu'un système Android est gratuit, donc le prix inclus est zéro. Mais quand tu as un Windows qui t'afficherait de la publicité, ouais, c'est comme tous les petits jeux sur mobile ou même les grands jeux, c'est passé. Tu payes pas, mais t'as de la publicité de temps en temps qui s'affiche entre deux parties, et bon. Je pourrais pas avoir un iOS avec de la publicité tous les 5 minutes. Tu veux ouvrir tes documents, vous avez vu, il y a tel ou tel truc sur Internet, ça doit être énorme. Ah, c'est comme la télévision, les chaînes de télé sont gratuites, mais t'as de la publicité entre les... Spotify, par exemple, qui est passé gratuit il y a pas si longtemps, voilà. Totalement gratuit, mais t'as quand même toujours droit à la pub toutes les 5 minutes, donc ça casse totalement l'ambiance de l'album. Et... Voilà. Pendant le morceau ou... À la fin du morceau, mais sur un morceau sur un album de 45 minutes, t'as le droit à 5-6 pubs, donc c'est quand même assez énorme. Des pubs de combien de temps environ ? Surtout quand c'est toujours la même. De 20 secondes, ben, c'est un peu comme le principe de Deezer, mais là, il est passé en gratuit, officiellement, puisque je crois qu'il y a un concurrent, je ne sais plus le nom, mais il y a un concurrent qui arrive, donc du coup, ils ont eu peur, ils l'ont passé totalement gratuit alors qu'il était à 10€ par mois, je crois, je ne sais plus combien il était. Mais sans pub cette fois-ci. Donc on peut garder l'abonnement. Il y a encore l'abonnement, il n'y a pas de pub, il y a une meilleure qualité de son apparemment, mais voilà, là il est totalement gratuit, mais la pub, donc finalement c'est pas vraiment, quand c'est à une écoute musicale, on n'a pas besoin de pub. Donc... C'est du free to play. T'as du free to pub, du free to play. C'est quoi la différence par rapport à un Deezer et un Spotify ? Après, je pense que c'est surtout la bibliothèque musicale. Du catalogue, oui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est aussi la façon de l'utiliser. Hein. Spotify, c'est que pour les musiques ? Ils ont tous des applications sur téléphone ou autre. Et voilà. Spotify, il y a peut-être plus de choses que Deezer et ils ont un catalogue Ils ont quasiment tous les groupes. Après, ils n'ont pas tous les albums, mais ils ont vraiment beaucoup de groupes. Mais après, il y a beaucoup de trucs comme ça qui ont poussé. Après Deezer, je pense, il y avait Groove Shark. Il y en a plein qui ont poussé. Groove Shark, je l'utilise sur PC. Par contre, quand j'ai voulu l'utiliser sur mobile, t'as pas le choix, t'es obligé de payer un abonnement. Deezer de souvenirs passe des pubs, alors si je me trompe. Oui, oui. Donc ça veut dire quoi? Tu es en train de travailler sur ton tableur Microsoft et hop, en premier, t'as une pub qui s'affiche? Ou alors, est-ce que ça inclut des... ça lance des pubs quand tu envoies des courriers avec Windows Mail? Alors, ça me défend déjà, Romain. Est-ce que le Free veut forcément dire pub? Là est la question, puisque moi, quand je joue à certains jeux, j'ai pas des pubs. Par contre, j'ai du contenu que je peux acheter. Je pense que Windows partirait plus sur du contenu. Encore une fois, il y a toutes les formules. Tu payes que de temps en temps, plutôt que d'acheter. Ça pourrait être terrible. Parce que si tu achètes Windows, avec ton PC. J'ai que la langue chinoise, je suis obligé d'acheter la langue française. Tu achètes Windows une bonne fois pour toutes, mais tu as vraiment le minimum. Tu achètes l'option pour changer de résolution. Tu restes en 800-600, sinon. Tu peux avoir Office, Microsoft Office, en version gratuite mais limitée. C'est-à-dire que oui, par exemple, tu n'as pas le traducteur, tu n'as pas le correcteur orthographique. Et si tu veux le payer, peut-être que tu payes une fois, tu payes 5 euros pour l'avoir à vie, ou alors au contraire, tu ne payes que 30 centimes par mois. 5 euros par USB aussi. Il y a des logiciels comme ça, tu payes vraiment qu'à l'utilisation. À mon avis, ils vont faire une version très très light. Tout est possible. Et où ils ont des partenaires comme Bing, je crois. Tu n'auras pas le choix de changer ton navigateur, par exemple, ou autre. Par exemple. Mon avis, ils sont obligés de faire fonctionner comme ça. Et en plus, ils en profitent pour récupérer. Comme tu navigues sur Internet, ils voient sur les sites, ils voient que tu vas sur tel ou tel site. Ils en profitent pour revendre ces informations à des partenaires. Ils disent, voilà, telle personne, elle aime bien la mode, elle aime bien la musique, c'est le groupe. Mais personne ne fait ça. Attends, si Microsoft fait ça, c'est qu'il y a une raison. Je me demande pourquoi Google est riche, d'ailleurs. ils ont le monopole et du coup, c'est pas une prise de risque. Justement, c'est plutôt donner l'impression aux gens, justement, que c'est accessible et... Et puis, ils savent qu'une partie des gens, que beaucoup de gens ont Windows en piratant sur leur ordinateur. Ils disent, bon, s'il y a des gens qui veulent avoir un Windows gratuit, autant leur donner. Mais notre version à nous, en essayant de récupérer un peu quelques informations, vous pouvez citer au passage. C'est malin. Quand on voit que Linux, maintenant, il est utilisable par tout le monde, c'est... Voilà. Avant, même pour se connecter, il fallait rentrer des lignes de code, tout ça. Maintenant, c'est devenu utilisable par tout le monde, Xubuntu, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était peut-être la chose à faire pour rester dans la course à l'heure actuelle. Après, je pense qu'ils s'en foutent, parce que la majorité des licences qu'ils vendent, c'est quand on achète un nouvel ordi. C'est ça. C'est quand t'as des familles qui s'y connaissent c'est pas. C'est ça, c'est les gens lambda un petit peu. Parce que je connais pas les prix récemment des licences de Windows. Mettons que ça soit. Tu vas sur Microsoft, tu vas acheter une licence de Windows, le dernier c'est le 8. Quand tu l'achètes avec un PC, c'est peut-être à moitié prix, etc. On dit, bon, pour le prix que je gagne, je vais en prendre. Pour pas être embêté plus ils vont toucher un public de connaisseurs finalement, donc des gens plus ou moins intéressés parce qu'il peut être gratuit. Les familles vont acheter le PC avec déjà la licence et ils vont pas faire attention à ça, donc c'est vrai que finalement c'est assez malin de leur part. Par contre, le pro au niveau des entreprises, je pense que lui sera toujours payant. Oui, les entreprises ont des services en plus, il n'y a pas de souci. Il y a même déjà des logiciels qui t'autorisent à l'utiliser en particulier, mais quand tu es en entreprise, tu dois payer autant. Je pense à TeamViewer, par exemple. Il y a énormément de logiciels comme ça, les shareware, les free-to-play, les free. On parlait de la mise à jour Windows 8. Qui a essayé ou est passé sur Windows 8? J'y ai touché un peu. J'y ai touché un peu aussi sur un ordinateur de quelqu'un, mais bon, j'aime pas du tout. C'est spécial. Disons que t'as. Mais je connais par contre beaucoup de gens qui ont utilisé les anciennes versions de Windows, qui sont même pas passés par Windows 8, qui ont acheté un nouvel ordinateur, souvent un portable, sur Windows 8. Oh, ils ont un petit peu galéré au début, et puis pour finir, ils finissent par s'y faire et à trouver ça pas trop mal. C'est vrai que c'est un OS qui est particulièrement adapté pour penser pour les tablettes et les interfaces tactiles. Disons que la première fois que j'ai utilisé, j'ai commencé et puis j'arrive sur le... C'est quoi? C'est le métro, l'espèce du bureau. Voilà, mais c'est on dira un menu de tablette ou de téléphone. Voilà, moi, je suis tellement habitué au bureau. Je fais, il est où le bureau? Comment on fait? Exactement. Puis la personne ne savait pas. Je fais, bon, je ne te panne pas ça, moi. Mais non, il faut aller dans un coin, vous cliquez ou je ne sais plus quoi. Je fais, bon, ça va, moi, je veux juste mon bureau. Je ne veux pas un menu qui s'ouvre quand je ne veux pas. Je ne veux pas d'autres configurations. Sinon, tu dois payer, c'est ça, le truc gratuit. Ouais, tu dois payer. C'est marrant, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, est-ce qu'ils font exprès ou à chaque fois, ils se loupent? On avait eu le cas pour Vista. Vista, Windows... Windows Millennium. Donc le prochain, théoriquement, dans Windows 9. Il y a beaucoup de sociétés qui ont demandé, qui on a fourni des paquets d'ordinateurs sous Windows 8, qui ont demandé à repasser sous Windows 7. Je comprends, c'est pas forcément adapté non plus à toutes les utilisations. D'ailleurs, une nouvelle récente, apparemment, Microsoft envisage de fournir Windows 8 gratuitement sous forme de patch aux gens qui ont Windows 7 quand même. Oh. Donc si tu as Windows 7, tu pourras éventuellement bientôt passer gratuitement à Windows 8. Windows 8.1. Ouais. Qui va le faire? Voilà. Qui a envie? C'est triste, hein, mais j'ai pas pris les chiffres, mais ça m'étonnerait pas que c'est un plantage. Ouais, c'est à part sur les nouvelles machines, parce que ça, c'est leur point de vente principal. C'est lorsque quelqu'un achète un PC chez Auchan ou Carrefour, machin, il se retrouve forcément avec un OS de Windows. Il y a toujours des petits utilitaires qui permettent, sous Windows 8, de remettre l'interface des anciens Windows, d'avoir le bureau, le menu démarrer, etc. Classiquement. En cherchant un peu, on se débrouille. Il faut juste y toucher un peu. Mais voilà. De base, Windows 7, il me convient. Pourquoi changer en 8 ? Voilà. C'est comme moi, les gens viennent sur mon PC, ils font « Oh, t'es encore à 98 ou XP, là ? C'est quoi ce bordel ?» Je fais « Non, c'est juste le thème juste ancien, quoi. Voilà. » Pourquoi je mettrais le nouveau truc qui clignote dans tous les coins ? Les fenêtres rondes. Mais attends, tu déconnes. Moi, sur Windows 7, je l'ai réinstallé il y a une semaine, et puis je commence à toucher au son et tout. Tu vides ta poubelle, et puis ça fait tada ! T'es super content ! Bravo ! Vous avez vidé votre poubelle. Vous êtes le millionième à visiter votre ordinateur. Tu peux changer, tu peux personnaliser un peu tout, c'est marrant, mais bon. Avant de faire une petite pause d'intermittent du spectacle, que je ne vois pas arriver, tant mieux. On va faire une petite pause musicale. C'est pas forcément un album découverte. Oh. C'est un groupe qui s'appelle les Pentatonix. C'est un groupe qui fait des musiques uniquement a cappella. Ils sont composés de 5 chanteurs. Sur le morceau qu'on va écouter, c'est une reprise, un peu un medley des Daft Punk. Donc voilà, pour faire une petite pause musicale, on va s'écouter ça. Change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, play it, jam and lock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, back it, switch it, fade it, name it, bring it, tune it, print it, scan it, send it, touch, rename it, touch it, bring it, play it, watch it, break the logic, one more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planet spinning. The force from the beginning. No. Feeling so free. celebrating, dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Tonight, hey, just feel it. Grosse actualité jeu vidéo qui est sorti dernièrement. Je parle de South Park, le jeu, le bâton de la vérité. Alors, pour y avoir joué, mieux vaut ne pas commencer parce que c'est extrêmement prenant. Je ne sais pas ce que t'en penses, David. C'est ce que j'ai fait. Moi, je pense que c'est un peu, c'est bien fait parce que c'est un prolongement vraiment de la série. Et on n'est pas vraiment dans le jeu vidéo. Déjà visuellement, on se retrouve dans la série. Et c'est exactement ça. Que ce soit au niveau des personnages ou lorsqu'on se bat dans la vie, c'est on est dans la série. Un gros avantage, c'est que c'est justement, il faut sûrement pas un PC puissant pour le faire tourner. À voir. Je l'ai vu ramer sur PS3, mais bon, après, sur les chargements. Mais... Oui, on parle de PC. On pourrait avoir un Windows gratuit pour y jouer. Oui, mais même la 2D, ça peut ramer. Est-ce qu'il tourne sur le Windows gratuit? Sûrement. Oui. Donc, Je crois que tu étais parti sur un truc. Alors donc je disais que c'était donc le prolongement de la série. On avait toujours les créateurs de la série qui ont vraiment supervisé le projet. Et je pense, c'est Matt Stone et Trey Parker, c'est ça? Qui ont vraiment supervisé, vraiment, je sais pas jusqu'où ils sont allés, mais en tout cas, ils sont vraiment responsables du projet. Et du coup, on a vraiment c'est quelqu'un qui a vu toute la série, par exemple, il va avoir des nouvelles blagues ou alors il va avoir beaucoup de retours, il va retrouver beaucoup de, par exemple, des objets, il va aller dans le grenier, il va voir la base de token, par exemple. Alors c'est vrai qu'on trouve plein d'objets qu'on revend qui ne servent strictement à rien mais qui font plein d'allusions à la série, c'est ça. Comme ça, c'est vraiment excellent. On retrouve tous les personnages, c'est également fait pour les fans en principalité, quoi. Alors c'est vrai que si on n'aime pas South Park, vaut mieux pas, ça sert à rien de s'y lancer, mais l'univers de South Park est vraiment très prenant au niveau de l'humour et au niveau un peu trash, j'allais dire. Souvent, mais c'est malheureusement le cas. Ça dépend dans quelle version. Quoi, ça. Il a quand même été interdit, moins de 18 ans, quoi, PEGI 18 pour la version européenne. En plus, il y a de la censure. Alors, c'est ça. Il est interdit au moins de 18 ans, mais en plus, on a une censure sur le format. Alors, moi, j'ai testé une version américaine, ne me demandez pas comment. Et je sais que toi, tu as testé la version européenne. Voilà. Donc on a les scènes de dilatation anale que tu ne verras pas, c'est bien ça? C'est ça, donc on a un petit message donc avec une image, une sorte de statue. Désolé public européen, public français, vous ne pourrez pas voir cette image. Mais on nous explique tout finalement, donc on nous explique ce qui se passe. Donc c'est un petit peu bête de nous expliquer ce qui se passe si on ne le montre pas. Tu peux t'imaginer, quoi. Voilà. Ça me fait peur parce que le gamin qui ne sait pas ce que c'est, il va taper ça sur internet, le pauvre. Logiquement, il n'est pas censé y jouer. Tu crois que les gamins ont besoin d'attendre un jeu vidéo pour le chercher des trucs bizarres? Peut-être pas internet. Pour savoir ce qu'est Alors, je ne sais pas comment c'est expliqué. Alors, je ne sais plus exactement, mais. Il se fait introduire un objet alien dans le postérieur. Voilà, c'est ça. À plusieurs reprises. De façon répétée. Avec des allers-retours. Brutal et répété. Brutal et répété. On se demande justement quel est le principe du jeu, mais en fait, le jeu est un RPG. Alors, c'est du tour par tour. C'est un petit peu, on va dire, style du RPG japonais, quoi. C'est comme celui de Mario, si je me trompe. Oui, mais enfin comme tous les RPG japonais, plus ou moins. Hein. C'est juste que c'est vrai que le Mario Paper, il est un peu dans le même style parce que c'est, ils appellent ça 2,5, enfin en mélange 2D 3D, quoi. C'est entre les deux. Et puis pareil, ça vient d'un univers déjà existant, donc c'est pour ça qu'on a des fois la comparaison avec Paper Mario, mais il y a des RPG semblables. Le truc, c'est simplement que je trouve que les combats sont assez bien faits parce que comme il y a des petites interactivités, comment on doit appuyer sur un bouton précis et tout ça, donc ça donne un dynamisme à la série, parce que ça serait un RPG concret, on va dire, un vrai RPG, ça serait trop léger. Mais là, comme c'est vraiment pour adapter South Park, pense que ça passe bien, quoi. Ouais, l'interaction constante fait que t'es toujours en train de faire quelque chose. Il y a un certain dynamisme, tu restes pas. Parce que c'est le problème de, quand on met quelque chose comme ça, quand on retranscrit surtout une licence, c'est le côté passif. Par exemple, Heavy Rain ou tout ça, des jeux qui sont sorte de films un petit peu en jeu vidéo, alors on fait plus grand chose. Alors c'est intéressant et tout, mais là, du coup, on reste quand même on reste bien présent dans le jeu. Donc c'est ça qui fait que. Il a été vraiment bien fait, quoi. On sent que c'est pas une simple licence pour faire de l'argent, on sent que vraiment ils sont investis dedans. Et... C'est une des meilleures adaptations que j'ai vues, même je compare ça au jeu Simpson, etc. Là, ça dépasse de loin le sujet. Alors, au début du jeu, on a le choix entre 4 classes. On a le choix entre la classe du guerrier, celle de mage, c'est ça, celle de voleur, et celle de juif. Ah, c'est très connu. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'ils vont bloquer la classe juif au niveau européen ou ailleurs? Non, ouais, j'ai cru aussi, mais non. J'aimerais bien voir une classe juive dans d'autres MMORPG. C'est pas grave. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que le pauvre juif, c'est en fait la classe qui en caisse plein de dégâts et qui après devient super fort. Moi, j'ai testé guerrier, donc ça, c'est une évolution, j'ai envie de dire, classique. Alors les coups spéciaux, hein, ça va au coup de batte, au coup de pied dans les couilles, OP super puissant qui fait vomir ton adversaire, etc. Juste Spark. Voilà, non. Alors lorsqu'on commence le jeu, je vais pas trop faire de spoil, mais il y a vraiment beaucoup d'humour à ce niveau-là. Je vais juste en dévoiler un, c'est lorsqu'on choisit, on arrive donc devant Cartman qui est le grand magicien, etc. Et vous êtes le petit nouveau qui vient d'arriver dans la ville. Donc vous créez votre personnage et on arrive devant Cartman et le Cartman vous fait bon d'accord maintenant tu es arrivé chez nous, il va falloir que tu choisis un nom de combat, un nom de guerrier, etc. Il fait vas-y tape ton nom. Je tape mon pseudo habituel. Il fait tu as choisi Dushbag. connard en français. Tu as choisi connard. Es-tu sûr de ton choix? Qu'ils ont en fait il y a non et oui et on peut pas cliquer sur le nom en fait. On peut pas cliquer du coup on est obligé de choisir ça en fait. Ah, je crois que j'avais cliqué oui, il m'a fait tu es sûr hein, parce que tu vas t'appeler connard machin. Alors ce qui est marrant c'est que tous les personnages adverses sont joués par des gamins qui traînent aussi dans la rue, etc. C'est vraiment prenant comme jeu. Je sais pas ce que toi tu en as. Est-ce que tu vas continuer à y jouer? Oui, après la question c'est vraiment la durée de vie, c'est voir vraiment s'il va si loin que ça. Après je sais que j'ai vu qu'apparemment il fallait finir les quêtes secondaires avant de finir le jeu parce qu'on pouvait plus. Il y a certaines quêtes secondaires qui sont plus possibles à la fin, donc c'est pour ça que moi je prends mon temps en ce moment. J'essaie de visiter la ville, de me repérer un petit peu, mais à partir du moment où on suit la quête principale, je sais pas la durée de vie du jeu, je crois qu'elle est assez courte, donc c'est ça le souci. Mais sinon, c'est vraiment dans l'ensemble, c'est vraiment un très très bon jeu. Quoi. C'est une surprise. Le MMO. Ça serait un carnage. Où tu pètes sur tes adversaires. Donc déjà quand je vois les scènes qui ont été censurées, je me dis qu'est-ce que parce qu'il y a 7 scènes qui ont été censurées. Tous plus ou moins du même. C'est plus ou moins en... enfin je sais pas si on peut spoiler quel endroit ça se passe, mais c'est plus ou moins le même endroit on va dire. Tu crois? Moi je pense qu'il y en aura après. Mais il y a à peu près 2-3 scènes qui sont dans cet endroit-là. Déjà à un moment j'ai voulu ouvrir une maison, je me suis retrouvé avec une femme à poil. Ah ça je l'ai vu. Mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plus loin encore, je vais peut-être pas dévoiler mais on ouvre des maisons, il se passe des choses. T'as pas forcément envie de te balader partout. Faut pas ouvrir n'importe quelle porte voilà. Donc moi ça m'a fait un peu bizarre d'interdire un jeu au moins de 18 ans et puis derrière continuer à censurer des scènes, je trouve ça abusif. Alors apparemment le jeu n'est pas sorti partout, c'est ce que tu disais. Alors j'ai vu cette news là que c'était pas sorti en Allemagne et en Autriche il me semble parce que apparemment dans certaines scènes le jeu comporterait des croix gammées donc parce que forcément on a Cartman hein, qui est un personnage important et donc voilà je suis pas arrivé à ce niveau là mais donc ça pose des problèmes et il est pas encore sorti. Apparemment quand on dit qu'on va choisir la classe juif, Cartman nous dit mais dis donc tu vas pas être mon ami toi, avant de la choisir et il nous spécifie ça. Même la classe voleur hein, il dit un voleur blanc, j'avais jamais vu ça mais pourquoi pas. Donc voilà. Le ton est donné. Donc ça rappelle un peu Saints Row 4. Hein. Le jeu avait été interdit à la vente en Australie également en raison de la présence d'une arme en forme de sonde anale doublée d'un godemiché. C'est un peu le cas dans les censures de South Park. Hein. C'est un peu la même chose. Alors, les autorités australiennes avaient justifié cette interdiction à la vente par le fait que l'utilisation de cette arme dans le jeu pouvait être assimilée à une agression sexuelle caractérisée. Dans le jeu, tu peux tuer des gens, voler leur voiture, mais tu n'as pas le droit de les mettre. On ne viole pas dans ce jeu. Ça me fait penser à Saints Row, c'était aussi un gros bordel. Bah, c'est ça, Saints Row 4. Saints Row, c'est une série complètement délirante. Mais c'est plaisant, faire tout et n'importe quoi, tu peux faire des conneries, il vaut mieux faire ça dans un jeu que dans la réalité, je pense. Voilà. À Postal, par exemple, mon jeu, il y a eu des gros débats là-dessus, et il y a même un choquant, serial killer. Dans Postal, il n'y a rien qui m'a choqué. Hein. Le Postal chat, 2 Le chat en tant que silencieux sur fusil à pompe, ça m'a choqué. C'était original, on va dire, mais c'est surtout qu'il y a eu un serial killer qui a tué beaucoup de monde et qui joue à ce jeu-là, et ça a été assimilé à ça, si Dieu. On revient sur le débat des jeux de rôle. Hein. Surtout des addictions, tout ça, des jeux vidéo, savoir où est-ce que c'est, jusqu'où on peut aller. On continue donc avec le quiz musical proposé par Laurent aujourd'hui. J'espère que cette fois ça sera du haut niveau. Ah bah ça dépend de vous, hein, si vous êtes pas foutu de trouver les trucs. Hein. Bon allez, on commence avec une petite musique de jeu qui date. C'est parti. Jazz Pond ? Ça ressemble maintenant. Un jeu sur Super Nintendo. Waouh. Ah, ça me dit quelque chose. C'est entraînant. Je ne connais pas. Ce sont les Lemmings. Oh là là, la version Super Nintendo de Lemmings. Super Nintendo de Lemmings. Oh, encore l'Amiga. La version Amiga ou Atari, j'aurais connu, mais là, non. C'est vrai que c'était pas évident. Alors, on passe à la suite. Vous trouverez probablement assez rapidement. Ça. Ouf. Attention, je pense que ce sera un test de rapidité. Je connais. C'est horrible. Je connais. Pocket Tank. Oui. Oh là là, oui. Encore un peu. Excellent. La musique est mieux que le jeu. Oh, le jeu était sympa. Ça rappelait le char qu'on avait sur Amiga. Donc c'est un jeu où on place chacun son... On a chacun un char d'un côté. On a des armes diverses. Et on choisit son arme, on doit ajuster l'angle, on doit ajuster la puissance et on doit tirer sur l'autre. Et c'est le premier qui tue l'autre qui a gagné. C'est un peu un Worms, mais sans trop bouger. Alors, on va passer là, cette fois-ci, à une musique de jeu. Encore ? Attention, c'est une musique de jeu en symphonie, qui a été faite par un groupe. La musique est très connue. Final Fantasy 9, la Chocobo. C'est Vamos Flamenco. C'est la musique qu'on a quand on joue Crush Chocobo, notamment. Bon alors, David, c'est un peu dur pour moi. Ah, oh, tu n'as pas joué à Final Fantasy 9. Moi, je me suis arrêté au 6. Le 9 est sympa. Hein. On s'est arrêté au 7. Et là, c'est un orchestre Distant World qui a repris pas mal de musique. Le Final Fantasy notable. Les Black Mage m'ont repris aussi. Ouais, mais c'est pas symphonique, là. C'est plus du rock. De la symphonie en... Allez, autre musique. Heroes and Might and Magic 3. Exactement, Heroes and Might and Magic 3. Le thème principal du menu, c'est... Là, moi qui pensais que j'étais nul. Oh, celle-là était facile quand même. Donc là, c'est carrément un dossier que j'ai préparé parce que je suis pas sûr que vous trouverez. Ah. Peut-être que plusieurs musiques vous aimeront. Attention, on commence. Secret of Mana, non ? Non. C'est Final Fantasy... Non. Non. Ça ressemble, en tout cas, ça ressemble beaucoup. On en a parlé dans... Durant l'épisode. Dans le jeu ? Non, je connais, on dirait du Diablo. Non. Non, ça fait... Je vais en passer une autre qui appartient au même jeu, peut-être que vous trouverez. Pangia ? Non, non. Ragnarok. Ragnarok Online, oh là là, le premier. Eh ben, j'en souviens plus de musique. C'est pas évident. C'est un peu le même style que du Pangia. L'autre, c'était très copié sur Secret of Mana, ou t'es ouais, dans le palais, ah, oui, le palais de l'eau. Le même instrument, ouais. J'ai notamment le thème d'intro de Ragnarok 2, qui a été fait carrément sur un autre style. C'était de la musique coréenne. Et ils ont carrément inclus des chansons coréennes. C'était pas de la bande-son instrumentale comme on a l'habitude dans les jeux MMO. Une musique assez bizarre, en passant. Ça fait un peu Ibane et Renmei, non? Ça fait un peu Björk en fait, un petit peu. Tout de suite, faut que tu insultes. Mais non, c'est oh là là. Björk, tout de suite, les insultes. Björk, c'est bien. Björk. C'est bien Björk. Avant de se suicider, peut-être. Une autre musique. Mokhtar. Dangerous ? C'est Mokhtar. Oh, mais les intros, c'est dur. C'était Vincent Lagaffe. Ouais. T'avais Mokhtar et t'avais la version internationale, qui porte un autre nom. Mmh. Non, c'était quoi la version ? Le nom de la version française ? C'était la Zubida, mais... La Zubida. Voilà, c'était la fin de cette cinquième épisode de l'Another Podcast. Restez sur la radio Belafonte et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bye bye.